23-11, activation orale, rencontre, tomber sur. Répondez selon l'exemple. Vous entendez. 1. Tu as vu Hubert? Mais vous dites. Oui, je suis tombée sur lui à la fac, dans la rue, au Luxembourg, etc. 2. Tu as vu Mireille? Oui, je suis tombée sur elle à la fac. 3. Tu as vu mes parents? Oui, je suis tombée sur eux dans la rue. 4. Vous avez vu les sœurs de Mireille? Oui, nous sommes tombés sur elles au Luxembourg. 5. Vous avez vu ma sœur? Oui, je suis tombée sur elle à la fac. 6. Ils ont vu les Courtois? Oui, ils sont tombés sur eux dans la rue. 7. Ils ont vu tante Georgette? Oui, ils sont tombés sur elle au Luxembourg.